Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, pour la dernière de l'année. La dernière de la saison. Voilà, la saison plutôt. Pour prendre des vacances, c'est ça? Voilà. Parce que je crois que d'ailleurs, tu es avec toute ta famille là. Exactement. Tu as envahi le studio. Voilà. Ma famille bretonne, ma famille stéphanoise. C'est vrai. Ouais. Bah, bienvenue à la radio. Hein. Voilà. Ah, attends, faut que je mette. Vas-y, si tu veux parler, tu peux. Non, ils sont timides. Bon. Ils sont timides. Bon, reçois un groupe. Ah, bah, vas-y, tu parles, on t'entend à la radio. Ah, bah, c'est super. Alors, comment tu t'appelles, mon petit? Je m'appelle Oscar. Oscar, waouh. Bah, bienvenue Oscar, futur animateur alors je crois. Il a déjà une web radio, mais bon, on va voir. Bon. Alors c'est un peu spécial aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de groupe. Et puis il n'y a pas Cécile. Il n'y a pas Cécile. Elle est déjà partie en vacances. Voilà, dans l'ouest de l'Europe on va dire. Dans l'ouest de l'Europe, oui. Tout à fait. Dans le sud-ouest même. Sud-ouest, oui. Je ne sais pas exactement où elle est, mais voilà. Peut-être qu'elle nous écoute, j'en sais rien. Je crois que c'est Portugal là. Ouais. Donc aujourd'hui pas de groupe, mais par contre on avait envie de faire un best-of. Ouais, enfin un best-of, ça va être un peu de la saison, enfin tout ce qui s'est passé, les événements. Ouais. Et on s'est mis une pression supplémentaire. On a dit on va faire aussi 100% vinyle. Donc on va tenter. On va tenter. Parce que nos invités nous ont demandé de sortir des morceaux. Enfin si je trouve le Mickey 3D dans le coffre de la voiture. Oui. Il n'y a pas de Mickey 3D en vinyle sauf. Sauf celui que tu as. C'est le seul. Ouais, mais il voulait pas ce titre-là donc. Non. Enfin, c'est en fait, il y a deux vinyles. Ils sont compliqués. Il y a un split 45 tours de Respire que j'ai. Et il y a Les Papillons qui est sorti en collector. Eh oui. Bon. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Eh bien, le coup de cœur de l'année de Cécile, c'est Lingus, que nous avions reçu, donc les Lyonnais. Alors, ils sont un peu partout en tournée, en Espagne, je crois. Mais ils vont bientôt passer dans le coin. Puisque 17 août, festival Yakala à Toulouse, dans le 07. 31 août, festival Les Vieilles Pierres à Marcilly-le-Châtel. Et ça, c'est dans le 42. Donc moi, je suis bien d'accord avec Cécile. Hein. C'est vrai que c'est un vrai coup de cœur, découverte musicale, scénique et humaine de cette première saison de l'émission Radio Gaga. Ils sont lyonnais. Hein. Ils sont lyonnais. Ça, c'est quand même un gros problème. C'est vrai, pour toi. Ouais. Mais nous, c'est régional. C'est un groupe local. Donc c'est parti avec les Lingus, Two Things at Once. We'll be right back. Voilà, c'était Lingus sur Radio Gaga, sur Radio Dio 89.5. Et notre jingle, on le passe jamais d'ailleurs, ça me fait penser. C'est vrai, et je l'entends pas souvent d'ailleurs. Ouais, c'est toi qui l'as, non ? Oui, bon, bah, j'essaierai de le retrouver tout à l'heure, on se le passera. Bon, parce que c'est vrai que ça fait partie du best-of de la saison. Ben oui, tout à fait. Ouais. Alors ça sera pas que des vinyles hein, ce soir, hein, mais, parce que j'ai un groupe de Rouen que je veux passer, qui s'appelle les Black Space en métal. Ouais. Que nous recevrons début janvier 2020, c'est qu'on est très, on est tellement overbooké là que nos plages fondent comme neige au soleil. Nos plages, c'est sûr. Plages de vinyle. Surtout que je viens d'en remplir une supplémentaire pas plus tard que juste avant de venir. C'est vrai, t'as Carla Bruni finalement. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, on va recevoir Carla Bruni. C'est sympa. Mmh. Surtout quand elle chante en anglais. En tout cas, si on était en web TV, les gens verraient avec qui on est entouré. Et Cécile serait vraiment jalouse parce que tu es bien entouré ce soir. Hein. Toujours. Harry Bosch, il est toujours bien entouré. De belles Suédoises. Qui ont un peu le goût de cidre. Des belles Bretonnes, alors. Voilà, c'est pas très loin de la Suède, tu me diras. Okay. Alors, la suite. Eh bien, température. Moi, j'ai le 33 tours. Moi, je relève le défi. Pour l'instant, je ne craque pas. Donc, je propose un 33 tours d'un groupe que nous avions reçu, les Black Poppers. Ça te dit quelque chose ? Bien sûr. Avec la magnifique pochette. Ça m'a fait de l'effet. Ouais, c'est pour ça que j'ai... Tant la pochette que le nom du... Ah oui, elle est magnifique, cette pochette. Voilà. N'est-ce pas ? Donc, j'invite chacun à aller chercher vite le vinyle des Black Poppers. One day, run away from some brand new spark and warm. les Black Poppers avec Running sur Radio Gaga. Oula, tu me fais des petits jingles. Non, mais c'est rien ça, c'est juste histoire de... un petit fond. Donc la suite. La suite, donc, je crois là, que c'est ton territoire, enfin, t'avais des invités. Voilà, ils ont choisi, donc je ne sais pas s'ils veulent présenter leur titre. Ils sont un peu timides. Hein, donc, c'est vrai, puis surtout qu'ils ne t'entendent pas. Ouais, c'est vrai, ils ne t'entendent pas. Tu veux parler? Elle avait un micro devant elle. Hein, ouais, voilà. Attention là, ça commence à parler là. Le temps qu'on s'organise. J'ai choisi Mimoun parce que, ça que amateur. Ce titre fait l'unanimité à la Mimoun, maison. Je ne connais pas comme groupe, c'est Mickey 3D, c'est ça Mickey 3D, oui. Bien entendu. Et quelle version? Version live. Yeah, à Saint-Étienne. Voilà pour l'anniversaire de Raphaël et de Claire. Ok, merci. C'est parti. Des trous dans des cartons, tous les matins il va pointer dans l'usine où ça sent pas bon, où tout le monde fait que tousser. Il sait pas très bien d'où il vient, tout ce qu'il sait c'est qu'il est pas français. Il aurait bien aimé pourtant, mais les gens font que de l'éviter. Alors il reste planté là, raconte des trucs à la fraiseuse qui lui dit: mon gars, t'arrête pas. Mimoun, il a bientôt 40 ans, mais il est toujours chez sa mère. C'est parce qu'elle est un peu malade depuis qu'elle a perdu son père. Et comme c'était lui le plus grand des fils, il est parti bosser à l'école. Il se débrouillait bien, l'aurait bien voulu continuer. Comme si la vie s'était posée sur lui en lui disant: toi tu bouges pas, les trucs jolis c'est pas pour toi. Mimoun, il imagine qu'il est déjà mort, c'est sa façon de s'évader. Et comme il y croit plus très fort, il dit qu'un jour il va se tailler les veines plutôt que de s'en aller pour être ailleurs. Un étranger qui fait peur à la ménagère et qui occupe les policiers. Alors il reste planté là, raconte des trucs à la fraiseuse qui lui dit: mon gars, t'arrête. Comme si la vie s'était posée sur lui en lui disant: toi tu bouges pas, les trucs jolis c'est pas pour toi. Ah, ça fait plaisir de réentendre cette version live des Mickey 3D. Surtout que ce soir-là, j'y étais. T'y étais. C'était au Palais des Sports en 2004, tout ouais. Comme ça. Moi, j'étais à la console. Ouais, sûrement. Donc, on fait un coucou à Fredo. Bon, je pense pas qu'il nous écoute, mais... Ben oui, on pense à tous ces sympathiques musiciens des Mickey 3D. Mais on poursuit. Oui, on poursuit. Dans l'année, dans le best-of, il y a eu une ouverture sympathique à Saint-Étienne. Le Disorder. Ah oui. Nouvelle boîte de nuit et qui fait surtout plein de concerts. Et donc, un petit hommage, Disorder de Joy Division. Sensations, spare the insults, leave them for another day. dark stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Voilà, nous étions avec les Joy Division pour refêter l'ouverture du Disorder. Ça fait quelques mois déjà maintenant. Ça fait très court. Hein. C'est vrai. Mais peut-être Joy Division, c'est 79, 80. C'était le début de Cure. Et oui, aussi. Bien. Ils ont fait leurs 40 ans l'année dernière. Pas Joy Division. Non, bah non, malheureusement. Il est mort, je crois. Eh oui, mais... c'est comme ça, hein. Un de plus. Alors, ensuite. Eh bien, puisqu'on parlait des anciens, il y en a qui sont comme les Cures, hein, des papis. Je voulais parler de cette année dans le best-of des Stray Cats, qui ont sorti un nouvel album qui déchire. Mais du coup, j'avais envie de passer une petite surprise, une face B d'un 45 tours des années 80. Thank you. Alors, j'avais pas dit que ça emmenait. Belle face B, beau blues. Eh oui, c'est sympa, hein, les face B. C'est un titre qui pourrait passer dans l'émission Boogie le mercredi. Ouais. On souhaite salut. Alors, c'est François Reynaud sur Facebook, je sais pas exactement comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est un des animateurs de l'émission Boogie du mercredi que l'on vous recommande. Bien sûr. Mais en attendant, vous êtes sur l'émission Radio Gaga de Radio Dio. Donc, tu as eu un petit coup de cœur, toi, cette année, mais déjà de quelqu'un que tu suis depuis un petit moment. Oui, c'est Ash Burns, notre ami de Romans-sur-Allier, donc vu que tu vois sur scène. Alors, c'est pas le dernier album qui est sorti cette année, que oui, je vous recommande aussi. Mais tu as le vinyle, là, du c'est coup. C'est le vinyle d'avant, donc le titre s'appelle Naked, et c'est un très, très beau morceau, hein, vous influence un peu Springsteen, américaine. Voilà. Moi, j'ai bien aimé cette découverte cette année. Merci. Here with all the young guys, I go back to my 20s. I don't worry about life, not even trying to put it on home, just living it twice. I'll carry right our letters modestly, and it's like you are fully dressed, and I am naked on the balcony. I'm moving on in your car sometimes, and it never misses out, it lights it all back in me. Sometimes, and it never misses out, it lights it all back in me. I hate to be a killjoy about it, but I wanna be in your arms when the earth is turning black. I gotta stand here and laugh about it. I gotta carry your ghost while the lights are burning. Harry et Pat sur Radio Gaga. Et leurs amis. Et leurs amis, oui. Qui viennent de loin, de l'ouest. Le Far West. Ouais, au-delà de Brest. Au-delà de Brest. Au-delà, sur une île déserte à 200 km à l'ouest de Brest. Hein. Voilà. C'est une ambiance. Ça fait rêver, hein, juste avant de partir en vacances, hein, parce que là, on boucle l'émission et on s'en va, hein, c'est ça, hein. Tout à fait. On part. Cette année, j'avais envie aussi, puisque j'ai le vinyle des Devil Joe and the Backdoor Men, que nous recevrons le 19 décembre. On se transforme en boogie de plus en plus. Là, ce ne sera pas une version. Oh, si, un peu, allez. Mais ils sont quand même rock. Et en concert, je vous les conseille. D'ailleurs, ils avaient fait l'ouverture du Disorder cette année. Et on va les recevoir en décembre. Ce sera juste pour les fêtes de Noël, donc je pense qu'on va avoir une jolie fête. Donc, c'est la parti. Fête à Devil Joe. Eh oui. Wake up this morning. Sur cette suave voix, on va pouvoir enchaîner, mon petit Harry. Alors oui, donc on va enchaîner avec un titre un petit peu 70s, on va dire. Oui. Complètement même. C'est le best-of 2018-2019. Ah. Et c'est sur vinyle. Et c'est sur le best-of de notre enfance. Ah oui. Moi, j'étais pas né. En plus, j'ai pas le vinyle parce qu'en fait, ce titre Deep Purple. Tu veux peut-être dire un mot, non? Non, je vais pas parler. Vas-y, allez. Bon, attends, je lui mets un micro. Purple, en fait, il n'est jamais sorti sur vinyle, sauf sur une édition américaine vinyle de Fireball, qui est très rare, dur à trouver. Sinon, il est sorti en 45 tours. Voilà. C'est une politique des maisons de disques de l'époque. Il s'appelle Strange Kind of Woman, et la dédicace, c'est Manu qui va faire. Et Marc, si tu écoutes, c'est pour toi et ton papa. Ah bah super, c'est parti. There once was a Ah oui, j'adore le son des claviers qui, rappelons-le, a beaucoup inspiré nos amis de Toad Elevating Moment. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si on a prévu d'en passer un ce soir, peut-être pas. Mais... Je l'ai dans la besace, s'il faut. Bon, on verra. J'ai tout prévu. Voilà, mais c'est très bien, Deep Purple. Mm. Il tourne encore. Je ne sais pas si c'est bien, ça, par contre. Bon. Ensuite. Ensuite, eh bien, c'est encore nos invités qui ont fait un choix... Ils sont envahissants, hein. Judicieux et que j'ai accepté. Tu leur donnes un doigt. Parce que c'est les Bretons. C'est les Bretons, oui. Donc non, on va pas vous faire une petite musique bretonne, mais en tout cas, c'est Jeff Buckley qui a été choisi. Donc très bon choix. Oui. En plus, c'est la jeunesse qui a choisi. Oh, il y a de la casse dans les casques. T'entends là ou pas là, dans le casque? Non, elle entend. Si, c'est bon, tu nous entends. Tu veux dire un mot sur Jeff? Alors attends, je vais. Tu as le micro, timide, tu peux parler. Pas. Vas-y, parle-nous de Jeff Buckley. Pas, pourquoi Jeff Buckley? Non, elle ne veut pas, elle est timide. C'est plutôt toi qui pourras en parler. Tu étais en backstage avec lui. C'est vrai, quand je lui ai dit ça, elle était folle. Ouais. Ah, il paraît qu'il y a une vidéo sur Internet. Donc il faudra que je cherche. On verra. Bon. Bon, et eh bien on va vibrer dans l'émotion avec Jeff. C'est aussi la rubrique nécrologique, tu me reproches de la faire souvent. C'est vrai. Donc on a une pensée pour Johnny. Johnny Clegg. Johnny Clegg est parti. Eh oui. À 64 ans. Ouais. Entouré de ses proches. Très engagé, artiste très engagé. Bonanga. Voilà. Ouais. Dans le live acoustique, c'est à la fin de l'émission. Hein. Réservez-vous pour ça, les amis. Sandrine va peut-être faire une reprise de Johnny Clegg en acoustique. Bien sûr. À capella. Et je veux la danse et je vais filmer. On mettra ça sur le Facebook. Mais quand je l'ai connu, elle avait des pantalons africains. Hein. Ah ouais. Allez, c'est parti. Their shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong. But tonight, you're on my mind, so broken down and hungry for your love, but no way to feed it. Where are you tonight, child? You know how much you need it. Too young to hold on, and too to just break free and run. Sometimes a man gets carried away. He feels like he should be having his fun. Much too blind to see the damage he's done. Sometimes a man must away. lonely is the room the bed is made. The open window lets the rain in. Burning in the corner is the only one that dreams he had you with him. Body turns and yearns for a sleep that won't ever come. It's never over. My kingdom for a kiss upon her shoulder. It's never over. All my riches for her smiles when I step so soft against her. On était aux anges, on était discute, perdus on discute. Oh, c'était, je sais plus quoi dire. Ouais. C'était trop bien. Je crois que c'est à moi d'enchaîner maintenant en plus. Ah, là, par mon coup de cœur de l'année 2018, un groupe belge. Je vais même pas les annoncer parce que je sais que tu vas pas aimer toi. C'est pas ton style, hein. Tu vas dire ah, c'est encore truc les années 80, Joy Division, Cure et compagnie. Mais tant pis, c'est comme ça. Bon ben mon pote, tu m'entends là ? Bah oui, je t'entends. C'est un peu réchauffé ton affaire, hein. C'est un peu une espèce et de. Et pourtant ça cartonne. De bouillabaisse de New Wave. Eh oui, mais t'aimes pas toi, non, tu connais si, rien. Non, c'est pas une question, mais c'est mais ça sent réchauffé quand même. Hein, la casserole est un peu accrochée même, hein. Eh oui, mais il faut plaire aux cinquantenaires que nous sommes. J'ai pas 50 ans, moi j'ai 49. C'est vrai, t'as 70, pardon. J'ai 49 ans et 7 mois. D'ailleurs, comme tu es l'historien de l'émission, je vais te proposer un petit blind test. Interdit de chasamer, bien sûr. On va voir ce que ça donne. Dès que tu l'as, tu me dis. Eh bien, j'ai réussi à coincer Harry. Et donc, c'était Kiss. Pourtant, le standard a explosé. Alors, tout le monde m'a dit, ouais, on a trouvé. Quand même, tout le monde peut quand même témoigner. Ouais. J'ai dit, c'est une reprise. Oui. De quelque chose que je connaissais. Mais je t'avais prévenu quand même. Je t'ai dit, tu connais le groupe, tu connais la chanson, mais c'est pas la chanson du groupe. Bon, c'est pas très bon quand même. Ah, mais c'est vieux, enfin, ça. Non, non, mais c'est... Enfin, je veux dire, Kiss, c'est bien gentil. Mais... oui, mais c'était un vinyle. Alors, Kiss, j'ai tenu jusqu'au bout. Kiss, il y a quand même 20-25 titres. C'est vraiment bien la route. Donc, ouais. C'est un avis personnel. Mais je trouvais rigolote cette sur version de Dynasty, Rolling Stone. Qui les a fait exploser mondialement. Puisqu'il y a eh oui, I Was Made. Made for Loving You. Et puis il y a un petit niveau en dessous, il y a Sure Known Something. Qui est un petit peu connu aussi. Mm. Voilà. Et voilà, c'est fini, c'est les vacances. Et oui. C'est... on va pouvoir partir. On commence quand, Mickey, nous, le 12 septembre. Déjà, non, on peut pas. Ouais. Oh là là. Bon, je verrai. Et je crois que c'est Chicken Wings, je crois. Chicken Run, Chicken Wings. Ouais. Chicken Wings, que nous allons recevoir. De toute façon, oui. C'est, alors, la soirée est sponsorisée par le KFC, bien sûr. Bien sûr. Of course. Voilà. En tout cas, on vous souhaite de belles vacances. Et puis plein de belles choses. Nous, on va se reposer et puis toujours avoir les oreilles grandes ouvertes pour faire des nouvelles découvertes pour cette prochaine saison. Grandes ouvertes pour faire des nouvelles découvertes. Non, mais je fais de la rime. Et en plus, ça rime. Toi, t'es l'historien, moi, je suis le poète. Ouais, c'est beau. C'est beau. Allez, ciao. Bon, ciao. Bonne vacances. Et on finit avec mon coup de cœur aussi de 2018, Big Johnny.